Chapitre 8e. Lorsque l'ivresse du cimetière se fut un peu dissipée, M. Pépin, rentré chez lui, ne put se défendre d'une certaine inquiétude. Il avait donné au monde l'exemple d'une de ces douleurs rares qui tuent lentement, à petites larmes. Il voyait tout le quartier suivre avec intérêt les progrès de son mal et supputait tous les matins, d'après son visage ravagé et l'accablement croissant de sa démarche, le nombre de jours qu'il lui restait à vivre avant d'aller partager la froide couche de l'épouse bien-aimée. Il était orgueilleux d'un désespoir qui le rendait célèbre, il le sentait nécessaire à la moralité publique, et il se débattit dans l'état d'âme d'un souverain à qui le pouvoir pèse et qui n'ose abdiquer, l'équilibre mondial ayant besoin de lui. Qu'allait-on dire en le voyant se remarier 6 semaines après la mort de sa femme? Et comment qualifier désormais un chagrin qui, devant le mener à sa tombe, l'avait simplement dirigé sur celle d'Achille? Il était inadmissible qu'il détaillât à sa concierge, au rigide gardien de la paix, au fournisseur attitré ou non, les clauses du pacte immatériel qui le liait à Madame Pomme. Tout au plus pouvait-il en confier la délicatesse raffinée à 2 amis sûrs, le docteur et le capitaine. Madame Pomme était charmante, indéniablement. Il ne se dissimulait pas que les langues venimeuses allaient avoir beau jeu, et ce spectacle passa devant ses yeux. Les esprits étroits et grossiers, toujours prêts à saper ce qu'est noble et haut, déboulonnant le monument grandiose qu'il avait élevé au deuil conjugal, et faisant choir dans les poussières viles la statue d'un bœuf historique. C'était plus que la chute, c'était la déchéance. Une idée l'illumina tout à coup, mais ce ne fut qu'un éclair. Que je suis bête, pensa-t-il. Nous partirons. Nous ferons un long voyage. Hélas, je suis plus bête encore que je ne le croyais. Impossible d'échapper à la malignité humaine, puisque c'est justement pour ne pas quitter Achille que Madame Pomme et moi-même. D'ailleurs, cette pauvre Élisabeth. Un instant, il songea à rompre. Cette solution contentait le public et laissait sa renommée intacte. Mais elle s'était manquée aux paroles solennellement échangées. Et mettre dans une position ridicule Élisabeth et Achille, qui avaient donné leur consentement et qu'on assimilait à des girouettes. De plus, sous peine de passer pour un malotru, il fallait offrir à Madame Pomme, à défaut du mariage, une somme qui lui permit de ne pas s'exiler loin de ses souvenirs. Si elle acceptait, c'était payé cher, sans compensation, un élan d'exaltation idéale. Si elle refusait, M. Pépin, déshonoré à ses propres yeux, se précipita lui-même du fait de son piédestal au lieu d'en être abattu par la foule stupide. Cette nuit fut terrible, mais elle porta conseil. Qu'importait qu'il fût mal jugé par le vulgaire, il remplirait son devoir, fort de sa conscience, supérieur aux vanités de la gloire, et Sylvie sur la blanche vestale, chargée d'entretenir le feu sacré qui brûlait sur l'autel d'Élisabeth, la divinité vénérée.